بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم واقتفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما هو الأصل الذي أخذناه أمس؟ Et ne pas se diviser dans la religion. Comment on se finit dans la religion? Donc, yani, c'est avec le Habdullah subhanahu wa ta'ala qu'il y a le kitab yadu'u ila al-akhdu bi sunnah wa ma'atakum al-rasul fakhudhu wa yadu'u bil-akhdi bil-ijma' kima qala subhanahu wa ta'ala wa yattabi'a ghayra sabil mu'minin wa lihi ma tawalla ila akhri fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Yani, al-ayat kathira fi dhalika. Donc, le kitab Habdullah azawajal, il nous ordonne de s'accrocher au kitab, à la sunnah, à la sahiha, wa kathalika ala ijma' najtami'a ala dhalika, naham. وقال ونهى عن التفرق فيه c'est-à-dire في الدين à partir du moment que une personne est conforme au kitab à la sunna ou bien à l'ijma, on ne doit pas avoir une divergence avec cette personne-là. Ensuite, on a évoqué que la divergence dans la religion, elle se divise en deux, une qui est madhmouma, qui est blâmable, et une autre qui n'est pas madhmouma. C'est laquelle qui est blâmable? La division sur les usul. Sur les usul. Dans les sujets dans lesquels les preuves sont claires. Elles sont claires, exactement. On ne peut pas se diviser. C'est interdit de se diviser dans ce genre de sujet-là. Parce que les ayats sont wadihah. Et celui dont il peut avoir un khilaf, lakin, c'est pas mazmoum. Ils ont cité l'imam Samhani, il cite dans les affaires nouvelles, dans lesquelles il n'y a pas de preuves claires. Et aussi dans celles dans lesquelles les preuves ne sont pas claires ou qu'il peut y avoir différentes interprétations. Ah, ça, oui. Tam, fahada, fil l'haqiqa, tam, si jamais on trouve une divergence, laquelle elle n'est pas mazmouma. Tam, on a pu voir avec le hadith dans Al-Bukhari, mais le hadith ibn Umar, que Annabi sallam, il n'avait pas blâmé ni une ta'ifa ni l'autre, et que chacun avait fait son effort d'interprétation, et malgré cela, il ne les a pas blâmés. Naam. كذلك يعني لما قال ونهى عن التفرق فيه أي في الدين c'est-à-dire que لا يجوز التفرق لأجل الدنيا parce que ça voudrait dire de on a immensifié une chose qui est auprès d'Allah Azzawajal qui a pas de valeur, c'est-à-dire que si jamais qu'on se divise pour la dunya فهذا في الحقيقة on a pas donné de valeur à l'أخوة في الله, on lui a pas donné sa vraie valeur. Et Allah Azzawajal l'a montré que ni'mat al-Islam, yani c'était beaucoup plus grand que le dunya. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, « وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ » Si jamais tu venais à dépenser et réunir toutes les richesses qu'il y avait dans ce bas monde, afin de réunir entre eux, pour faire de eux des frères fi Allah Azzawajal, Allah il évoque qu'il n'aurait pas pu faire cela. Al-Ukhwa, elle est mabni ala ad-din. Amma dunya, c'est impossible de réunir de la même manière dont sont réunis les mu'minin fi Allah azza wa jalla bid dunya, c'est impossible. Wa law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim, tu n'aurais pas pu lier entre leurs cœurs. Walakin Allah alafa baynahum ay bi ni'mat al-islam. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, "Wadhkuru ni'mat Allah 'alaykum idh kuntum a'da'a fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi kal islam ikhwana." Rappelez-vous des bienfaits d'Allah azza wa jalla lorsque vous étiez ennemis. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ il a lié entre vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ أَيْ بِالْإِسْلَامِ إِخْوَانَ vous êtes devenus des frères en islam. Naam. Allah il dit, si jamais ils dépensaient à Nabi sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il y avait dans la terre afin de réunir entre leurs cœurs, ils n'auraient pas pu. Donc ça montre que se diviser l'âge les dunya, c'est مَذْمُومٌ جِدًّا, c'est pas donner la valeur à la أُخُوَة فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Lakin, tu peux avoir une divergence avec ton frère, tu vas prendre tes distances. Lakin, hada thalatha ayyam. Il a le droit de faire ça, pas au-dessus de 3 jours, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yahillu li muslimin an yahjura akhah fawqa thalathati ayyam. Il n'a pas le droit de s'écarter de son frère de au-dessus de 3 jours. Et ça c'est si jamais al khilaf baynahum fi khilaf fi dunya. Aman kana al khilaf fi din fa ça y a pas de limite. Celui qui a خالف un dalil qui est واضح من كتابي وسنة, surtout si jamais c'est yaqtadi min dhalika al bid'a. Enfin, lui, on s'écarte de lui jusqu'à ce qu'il revienne. On lui a fait une nasiha et il s'entête dans son égarement. فهذا يجوز يعني أن تهجر إلى الأبد أهل المعاصي وأهل البدع يجوز هجرتهم. والدليل على ذلك قصة كعب بن مالك lorsqu'il a il s'est absenté de la غزوة غزوة التبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجره 50 يوما. Certains disent qu'on ne doit pas dépasser 50 jours. Quand c'est une affaire yani, qui est fiddin. La kina sahih, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a annoncé qu'il a accepté la tawbah de Ka'b ibn Malik. C'est-à-dire que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas fait cette annonce-là, eh ben, le hajj aurait continué. Wa kazadik, al hadith, plutôt l'athar, de Abdullah ibn Mahakal, fi ma'athkur, ou bien Abdullah ibn Mughaffal plutôt, lama naha. Lorsqu'il a interdit un de ses proches, un peu comme le lance-pierre, de jouer au lance-pierre. Il a dit ça un peu, un sabab, qui crève l'œil. Il a visité et encore lui, il continue à faire cela. Il a dit ça un peu, وكذلك والحديث الصحيح وكذلك ابن عمر رضي الله عنه lorsque son fils Bilal لما قال له ابن عمر à son fils لا تمنع إماء الله مساجد الله يعني لا تردسي pas les femmes d'aller à la mosquée فقال والله لأمنعنهن والله il a juré par Allah qu'il va les interdire après qu'il lui a cité le hadith et la parole du prophète صلى الله عليه وسلم فسبه سبا ذريعا il a insulté. Il n'a plus parlé jusqu'à la fin de sa vie. Comme on l'a dit Cheikh Al-Athami dans le charh de Riyad al-Salihin par rapport à ces deux athars, que Hawala kanu yahadhimun as-sunnah. Et que ce aib ala l'insan idha samiha qala Allah qala Rasul, thumma yusirru mustakbiran ka allam yasmaha kama qala subhanahu wa ta'ala. Yani, il fait comme si jamais il n'avait pas entendu. Ça c'est grave. Wa qala an-nabi sallam waylun li aqma' al-qul. Yani, malheur à ceux qui font de leurs oreilles des entonnoirs. C'est-à-dire que ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre. Ou le hadith de l'imam Ahmad, وَيْلُنْ لِأَقْمَعِ الْقَوْلِ. Malheur à ceux qui font de leurs oreilles des entonnoirs. C'est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah. Le deuxième mujallad, la page 165. Tu peux le retrouver aussi dans l'adab al-mufrad. Abdullah bin Amr al-Hasnam. Tu peux aussi le retrouver dans l'adab al-mufrad. Le hadith dans l'adab al-mufrad. 380. Lakin c'est mieux de prendre la référence de l'imam Ahmad parce que dans Adab Mufrad il y a un daf. Lorsqu'il a dit rahimahullah ta'ala wa naha an tafarruq fihi, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se diviser dans le din à partir du moment que les preuves sont claires, nettes et précises. Kadhalika la yajuz qu'on se divise, hadha c'est mutlaqan, la yajuz qu'on se divise li ajli ad-dunya. Ça c'est encore pire. Lakin yajuz qu'on prenne des distances dans un temps qui est bien limité et c'est 3 jours comme par rapport au hadith qui est venu la yahillu muslim an yahdura akha fawqa thalathati ayyam. Donc ça c'est limité à 3 jours. Amma ahlul bid'ah comme on a pu voir, il y a pas de limite. Ahlul shirk kadhalika il y a pas de limite. La limite de ces personnes-là c'est qu'ils reviennent sur le haq. Comme a dit subhanahu wa ta'ala wa bada baynana wa baynakum al hadawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Entre nous, l'hostilité et la haine est déclarée. Qala, jusqu'à quand? Qala hatta tu'minu billahi wahda. Et cela va continuer et ne cessera jusqu'à ce que vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Donc c'est-à-dire que le hajj de ces personnes-là, il n'y a pas de limite. Donc là, wa naha 'an al-tafarruq fihi, il y a 3 choses. Le premier, fi ad-din, c'est-à-dire dans les affaires dont les adilla sont wadiha. الثاني لأجل الدنيا وهذا لا يجوز والثالث لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام c'est-à-dire il lui parle plus il y a un yahjur فهذا كذلك سنوع من التفرق هذا كذلك لا يجوز au-dessus de 3 jours il a pas le droit de faire cela donc ça rentre ces 3 choses là لما نهى عن التفرق فيه نعم et كذلك مما نزيد ها هنا le fait de s'unir comme on voit avec les gens d'Ahl al-Tamyiz le fait de s'unir malgré qu'il y a des divergences il y en a dans le sujet dont les adillas sont claires, nettes et précises, c'est-à-dire que la yubali, comme tu vois avec les tablir, ils se réunissent, même si jamais lui c'est un sahib mahansi, si jamais c'est un kharidi, si jamais ils s'en foutent totalement. Ahamouché, c'est que soit avec nous et parle de rububiya et c'est tout. Amma, les sujets dans lesquels on a des divergences, on les met de côté. Ça, c'est une qaïda al-ikhwan wa qaïda al-tamiya. Nashtamia fi mattafaqna alayhi wa ya'dhun ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. هذا لا يجوز هذا سبب التمييع هذا سبب التمييع le fait de s'unir malgré qu'il y a des مخالفة شرعية واضحة فهذا لا يجوز تمام on poursuit inshallah قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا c'est qui quelles sont ces personnes qui nous ont précédés qui ont divergé et qui ont péri نعم اليهود والنصارى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين كما في الآية الكثيرة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكذلك الحديث يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بالاجتماع هذا سيأتي إن شاء الله في الحديث والأدلة في ذلك كثيرة لكن العمدة في ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم قال ونهى عن التفرق فيه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم فمنطق que ces personnes là ont péri قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك نعم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير فذلك قال يزيد في ذلك وضوحا et si jamais on trouve des preuves du kitab et كذلك de la sunnah qui montre cela يعني ça appuie donc ça appuie vraiment la clarté de ces preuves là والحديث في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاهم الله سبحانه وتعالى أمركم الشاهد رضي الله عز وجل الله عز وجل أجري بنا أن نعتصم بحبل الله أن نتمسك به ونسكروش tous on se comprend جميعا يعني tous ensemble ولا تفرقوا فهذا الحديث كذلك كم لآية أمرك النبي صلى الله عليه وسلم et ordonner cela. والأدلة في ذلك هي كثيرة جدا. كثيرة جدا. ولا تباغضوا ولا تحاسدوا. تباغضوا كذلك. يعني ceux qui se détestent, ils se rassemblent pas. ولا تحاسدوا ولا تدابروا. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا. فالأدلة في ذلك كثيرة جدا من كتاب والسنة وأما الإجماع فهذا واضح جدا. العلماء أجمعوا على هذا الأصل. على الأصل إيش؟ الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه فهذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك نعم كما قال عجب العجاب أي تتعجب كثيرا من هؤلاء الذين يجهلون ذلك الأصل قال ثم صار هذا الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين ثم انعكس الأمور ensuite les choses se sont inversé. Lorsque le ulama il parle de usul al-din, généralement, lorsqu'ils disent usul al-din wa furu'i, usul al-din, c'est pour l'aqida généralement. Wa furu' al-din, c'est dans l'al-fiqh. Tam. Usul al-din, c'est dans l'aqida, wa furu'u, c'est dans l'al-fiqh. Lakin, il y a des choses qui font partie de furu' al-din, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas de l'aqida, lakin que c'est des usul. Comme, mathalan, as-salah. As-salah, ça fait partie d'un usul al-din. يعني on comprend pas par furu' les choses qui sont pas importantes là tout est important dans le din inna sanulqi alayka qawlan thaqila ad-din kulluhu thaqil ad-din kulluhu muhim lakin at-tafriq bayna al-usul wal-furu' hadha sahih tam alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun وفرعها في السماء. أصلها كلمة التوحيد وفرعها c'est l'amal qui en découle de cette كلمة التوحيد. Donc ça montre qu'il y a des usul, il y a des furu' يعني في الدين. فهؤلاء تم ils ont agréé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détesté. فقال في الحديث إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله سبحانه وتعالى n'a pas agréé pour nous la divergence et le fait de se diviser. وهؤلاء رضوا بذلك. هؤلاء ils l'ont agréé. كما قال هنا أن الافتراق في أصول الدين وفروعه قال هو العلم والفقه في الدين بمعنى laisser chacun penser ce qu'il veut dans sa religion. C'est un peu la da'wa de ceux qui disent il y a une hurrat al-adiyan, la liberté des religions. Et ils prennent peut-être pour la comme dalil la ikraha fi din. Yani on peut pas imposer là, on impose fi din lakin. Al murad bi la ikraha fi din ay an ad-din mahasiduhu ma'luma. Les bons côtés du din et les bienfaits du din ils sont ma'luma. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans la religion dans l'islam, il rentre de plein gré. Parce que c'est une religion qui appelle à tout khair. Il peut pas rentrer dans cette religion là yani mukrahan yani par contrainte. Parce que il y a que du khair. C'est comme si tu dis à une personne rentre dans ma maison et je te donne des milliards. Est-ce qu'il va rentrer par contrainte? Il va rentrer avec il va agréer cela, il sera pas contraint. Ben hada kadhalika. Tam man dakhala fi din al-islam wa aslama wa hasana islamuhu wa mata ala zalika lahu al-janna. Wa huwa a'zam min al-dunya wa ma fiha wa nadhar li wajhi Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa a'zam min dhalika kullih. Fa c'est pas possible qu'il y ait une contrainte, c'est pour ça qu'Allah il a dit la ikraha fi din. Celui qui connaît mahasin al-din ويؤمن بذلك il peut rentrer que par soumission et par agrément de cette religion là et bi mahabbati li hada ad-din. Hada huwa al-murad bi la ikraha fi din. Amma hawla j'ai rien compris. La ikraha fi din bi ma'na laissez-nous tranquille, chacun a droit de penser ce qu'il veut. Hada hurriyatul fikr la yajuz inna ad-din 'inda Allah al-islam. Ad-din c'est wahid. Comme on a pu voir dans le hadith wa dinakum wahid ala inna abakum wahid wa dinakum wahid. Le din c'est un. C'est pas deux, trois, quatre ila akhirih. Wa tariqatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alaykun. Donc c'est pas possible d'agréer yani d'avoir des firq. Wa fil hadith kulluha fi an-nar illa wahida. Donc comment on peut agréer d'avoir des sectes, le sectarisme, alors que an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous sont en enfer excepté une. C'est celle qui est sur al-haq. C'est celle qui est sur al-haq. Fa haula khalafu ad-din. Wa hada sa rend dedans barak lahu fik kadhalika at-tamadhhab. Ashab al-madhahib. Ça, kadhalika, yani eux, fil haqiqa, ils agréent cela. Qu'il y a une divergence dans la religion et que chacun est libre d'être shafiri ou bien d'être maliki ou bien d'être hanbali ou bien d'être hanafi, hala la yajuz. Kullu dhalika la yajuz. Allah subhanahu wa ta'ala, il a, yani amra bittiba' kitabih. Faqala subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum rabbikum. Wa amara subhanahu wa ta'ala bittiba' al-rasul wa ma atakum al-rasul fakhudhuh. وأمر باتباع سبيل المؤمنين الذي هو الإجماع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله إلا أغدني دو سيب تخوشو سيتو فقط لا أمر باتباع الشافعي ولا كذا وكذا حتى كان يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يديزي كون ليتان لنفرسيتي يدي أتحدى لمن يثبت المذاهب أن يأتي بآية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يثبت ذلك يدي جمع أدي في كيكونك de trouver une preuve dans le kitab de la sunna qui montre que le tamadhhab il est jaiz. Et il disait, il n'y avait personne qui répondait. Enfin, il n'y a pas de preuve dans cela. Ça c'est quelque chose qui est nouveau là, ici dans la da'wa francophone. Ils sont pas mal à entrer dans ça, même les nouveaux là, qui étudient un petit peu ou quoi, dès qu'ils reviennent, alors dès qu'ils prennent un peu de galon ici là, ils sont dans ça, tu vois. Oui, ça je pense que c'est la tendance d'Abu Hatim là. Jazakallah khairan, qui est venu avec sa tendance, je suis maliki. Et akhi, de faire le frais de dire je suis maliki, c'est-à-dire que tu agrées sur toi l'erreur. Parce qu'on le demande, est-ce que l'imam Malik il était marceau? L'imam il disait, si jamais je me trompe, il a dit, kull qawmin yu'khad wa yurad, et ça rentre dedans lui. Il sahib had al-qabr, il montrait la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il peut se tromper. Dans la muqaddima de Sifat al-Salah, Sheikh al-Albani, rahimahullah, mashallah, il est venu avec une grande muqaddima. Où ils l'ont mis cette muqaddima de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Amad de stafid, que tu profites d'un madhhab, la compréhension de l'imam Shafi'i ou bien de Malik. Lakin la ta'asub li wahid, parce que le haq, il peut être avec Shafi'i, il peut être avec l'autre, et pas avec n'importe qui, tu vois. Donc c'est-à-dire que nous, ces mazahib-là, on en profite. Et c'est faux même de dire mazahib, parce que même eux, ils n'agréent pas. L'imam Ahmad, ni l'Ahmad, ni l'imam Malik, ni l'imam Shafi'i, hatta l'imam Abu Hanifa. L'un des quatre, ils n'ont jamais agréé cela. Qu'il y a le suivi aveugle. Et l'imam Ahmad, il disait, apprenez comme on a appris. Ne suivez pas Sofia, ne suivez pas un tel, apprenez comme on a appris. C'est-à-dire qu'eux n'agréaient pas cela. C'est des gens qui sont venus derrière, qui ont fait du ta'assoub sur cela, qui sont partis très très loin, hatta, jusqu'à mentir sur le prophète, sallam, yani, des hadiths, yani, pour appuyer leur mazahib. Ils sont partis très loin, jusqu'à ce que certains pensaient qu'il ne fallait pas prier derrière un Shafi'i. Si le Hanafid prie derrière le Shafi'i, sa prière est batil. Qu'on n'a pas le droit de se marier avec un Shafi'i, et la Shafi'i ne se marie pas avec un Hanafi. Et là, ils sont partis très très loin, ça fait une fawda azima jiddan. On revient sur ce qu'on disait, la personne qui dit je suis maliki bimahna j'agré sur moi l'erreur. Parce que l'imam Malik, il a des erreurs. Est-ce qu'il est capable de dire que son mazhab kulluhu haqq? Allah azawajal nous a ordonné faqad de s'accrocher bil isma, la chose qui n'a pas de, dans laquelle il n'y a pas d'erreur. Et c'est le kitab, la sunna et l'ijma' faqad. Faman ittaba'a huda fala yadil wa la yashqa. Kitab wa sunna wa l'ijma' على فهم يعني سلف الأمة هذا هو. Et ça يعني c'est pareil, c'est-à-dire que là ils sont partis loin, ils disent salafi fi aqida wa hanafi fi al-madhhab, هذا c'est un qui est batil. Parce que ça veut dire quoi الآن? Qu'est-ce que ça veut dire salafi? Non mais c'est ça qui c'est grave, parce que au fait lorsque tu dis je suis salafi dans l'aqida bima'na ish, que j'ai pris ma aqida sur la base du kitab la sunna et de salaf al-Umma, est-ce que ça c'est pas la meilleure tariqa? Naam. Donc, kadhalika al-fiqh, je suis salafi. Dans le fiqh, le dîn c'est qu'un. On est salafi, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans n'importe quelle chose. Parce que ces ma'na, on suit le kitab la sunna, et dans ce qu'on fait, dans notre comportement, dans nos mu'amala, dans la manière d'entreprendre, dans la manière d'adorer Allah Azza wa Jalla, dans l'aqida, dans n'importe quelle chose, à la fahm salaf al-umma. Et ça, il n'y a pas mieux, parce que Nabi Sallam l'a dit, khayrun nas qarni. Donc on revient à eux. Et kadhalika ma la ta'assab de Ibn Abbas, on prend que la parole d'Ibn Abbas, ou bien que la parole d'Omar, ou bien que la parole d'Abu Bakr. Là, alhamdulillah, nastafid min alladhina ja'u ba'du min al-ulama, ka Shafi'i, ka l'imam Ahmad, ka l'imam Bartlofik, Abu Hanifa, hatta des fois il a des bonnes déductions, l'imam Malik, Sheikh al-Islam, Ibn Qayyim, ila akhirihi, yani les ulama qui sont, on cède yani de leur compréhension, yani pour se rapprocher de la bonne compréhension du dîn. À moins de dire que je suis un Taymi, ou bien un Qayyumi, ou bien un Bakri, ou bien un Umari, hada la yajuz. Ibn Abbas, il n'était pas Bakri, ni Umari, il n'était pas Mas'oudi, il n'était pas ceci et cela. Donc c'est fou cela. C'est-à-dire que les gens qui étaient les mieux guidés ont délaissé ces choses-là, et nous, qui sommes moins guidés qu'eux, on fait des choses qu'ils n'ont pas fait. C'est fou. C'est une démarche qui est complètement contradictoire. Ça, c'est pour faire du bruit, c'est pour attirer les regards, pour capter l'attention des gens. Maliki, arrêtez, c'est faux tout ça. C'est faux tout ça. Ouais, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ça, hein, avec, comment ils s'appellent, Abu Hadaifa, Rachid, Abu Anas. Déjà, Abu Hadaifa, d'écouter ces personnes-là, déjà, c'est grave. Ah. Oh, c'est grave. Abu Anas, qui est Abu Anas? Celui qui est dans 78, là? Nadir. Le Tarben, là, ouais. Non. Ouais, bon, voilà, après. Déjà, si jamais t'écoutes ça, tu vois, donc. Déjà, rien que ça, ça suffit pour comprendre que t'es à l'ouest. C'est bon. Et le problème, ils ont ramené ça parce que là, en ce moment, si. On dirait comme si. Comme chez les jeunes, là, dans les médias et tout, si tu dis je suis salafi, c'est chaud. Ouais. Bah, tu dis je suis Ahl-Sunna. Je suis de mine Ahl-Sunna. Pour séduire les koufars. Ils visaient à la base. Ah. Ils ont ramené cette feinte-là de l'appeler autrement. Mais salafi, maliki. Et de ne pas se diviser, ils ramènent des kawaïd comme ça. Ben justement. Ils disent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont salafis, mais ils ne veulent pas le dire. Ils disent, comme tu as dit là, je suis salafi de. Ben justement, si jamais ils veulent fuir. Oui. Mais maliki de fiqh. Ben si jamais ils veulent fuir les critiques, et ben qu'ils disent, je suis maliki de l'aqida. C'est mieux pour lui. Parce que le problème, c'est pas dans le fiqh. Le problème, c'est dans l'aqida lorsqu'il focalise sur la salafia. Le problème, c'est pas dans le fiqh. Le problème pour eux, c'est dans l'aqida. Maintenant, nous aussi, catholiques, on a eu des problèmes avec la police. Et lorsqu'ils me disent, est-ce que tu es salafi? Je dis, je suis min ahl sunnati wal jamaa. Parce que c'est ce qu'ils veulent entendre par salafi. Donc, il faut débattre avec eux, ceci, cela. J'ai pas le temps de débattre. Je suis min ahl sunnati wal jamaa. Tu n'es pas salafi? Je suis min ahl sunnati wal jamaa. Après, tu expliques si tu as le temps. Une fois que tu vois que c'est bon, ils ont pas de mauvaises pensées, tu expliques. J'étais avec une personne au Yémen, un ami dans le Dukan. On parlait, il a entendu salafia, ceci, cela. Il dit, c'est ça qui divise les gens. On dit comment? Il dit, oui, c'est ça, le chacun, salafi, ikhwani, ceci, cela. C'est ça qui fait la division. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire salafi pour que tu puisses critiquer? C'est quoi le problème de dire salafi? J'ai dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire salafi? Il m'a dit non. J'ai dit, comment tu peux critiquer une chose que tu ignores? Bah, je lui dis, salafi, c'est ard al-kitab, wa sunna sahiha, ala fahm al-salaf al-umma, wa ala ra'sihim al-sahaba. J'ai dit, alaysa dhalika qawlan jamilan? Il m'a dit oui. J'ai dit donc, pourquoi tu critiques un col qui est Jamil? J'ai dit donc, toi tu es salafi? Il me dit, bon, fakir, on va réfléchir. Le problème c'est que les gens ils comprennent pas, frère. Wallah, a'udhu billah. Salafi, c'est devenu terroriste. Ahlu sunnati wal jama'a. Si jamais les gens ils comprennent pas, tu vois. Ils comprennent pas. Si jamais ils commencent à critiquer Ahlu sunnati, athari. Le but c'est pas se dire salafi ou bien se dire Ahlu sunnati wal jama'a. Le but c'est de l'être. Le but c'est de l'être. Ça c'est une appellation juste qui ne peut faire une différence entre toi et les autres. C'est pas wajib de s'appeler salafi. C'est pas un wajib. Lakin, que tu t'affilies à la aqida de ces personnes-là, c'est-à-dire que tu œuvres en fonction de cela, naham. Fahada huwa al-wajib. Am salafi, c'est juste histoire de. Yani, comme a dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il y a une kalima jamila. Yani, c'est une kalima de muhtasara qui indique yani, sur la aqida sur laquelle tu es, le mazhab yani, sur lequel tu es. Ah ben si, il dit, si jamais t'as envie de dire dans l'Iman, j'ai cette foi-là, dans Asma Mwassifa, j'ai cette foi-là, il y en a pour te différencier des autres. Il a dit, si jamais t'as envie de faire une khutba tawila, ben c'est à toi de le faire. Mais nous, on vient avec une kalima qui est mortasara parce qu'on n'a pas trop de temps à bien. Et on dit salafi. Et ça montre, il y en a que j'ai cette foi-là dans l'aqida, dans la foi, dans l'Asma Mwassifa, dans ceci et cela. C'est une kalima mortasara en gros, tu vois. Et que t'as besoin. On a besoin à notre époque. Parce que le tablir, le ikhwani, le takfiri, le da'ashi, ceci, cela, tous ils disent on prend le kitab et la sunnah. Donc si jamais on suffit, on dit minah le kitab et la sunnah, c'est quoi la différence entre nous et eux? La différence, elle vient avec le troisième point qui est ala fahm salaf al-umma. Amma hadha, ça finit pas cela. Chacun comprend de sa manière. Le khariji, depuis l'époque des sahaba, ils se sont écartés des sahaba, ils sont partis à Harura, dans une karya. Et ils ont fait leur mazhab et leur compréhension du Coran par eux-mêmes. Ils ne sont pas revenus vers le salaf. Fahda huwa, yani, at-mazhub, c'est une bid'a. Comme a dit le Cheikh Mughba, rahimahullah. C'est une bid'a. C'est-à-dire, il n'y a pas ni kitab la sunnah qui appelle à cela. Après, malgré cela, on dit, on peut profiter des kutub qui ont été écrits dans l'ashab al-mazahib, lakin de se dire shafi'i, c'est faux, frère. Même si jamais, مثلاً, la personne, yani, il est dans un balad, comme, مثلاً, في السعودية, généralement, ils apprennent le fiqh al-hanbali. Et ils disent, yani, en gros, je dis que je suis hanbali par rapport au fait que j'ai appris le fiqh, yani, de cette méthode-là. Par cette méthodologie-là. Ben, t'as pas besoin de dire que je suis hanbali. Parce que eux-mêmes, yani, Cheikh al-Uthaymeen, مثلاً, dans son kitab, Sharh al-Mumti', lui-même, il dit, wal madhhab kada kada, lakin al-sahih kada kada. Le madhhab, il appelle à faire cela, lakin al-sahih, ceci et cela. Donc dis, j'ai appris le madhhab. J'ai appris le madhhab, yani hanbali, faqat. Amma, ana min ahl sunnah. C'est-à-dire que lorsque le dalil y vient, je prends le dalil. C'est ça. C'est, nahnu, on est salafi. Dans l'aqida, dans al-mutaba'a, dans al-fiqh, dans toute chose. Fid din. Nous, on suit le kitab la sunnah, ala fahm salaf al-umma. Comme a dit subhanahu wa ta'ala. Le fait de s'affilier, de dire je suis Hanafi, ceci et cela, hada bid'atun. Bid'a. Et celui qui dit que c'est pas une bid'a, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Il n'y a pas de burhan, que du blablabla, il va parler pendant 10 ans. Pas de kitab, pas de sunnah. Et shirantel, on dit raman kitab, sunnah ou bien ijma. C'est tout. Si jamais tu n'as pas l'un de ces trois-là, كما قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم اذا تتوى والزم الصمت فماذا بعد الحق illa dalal. Après ces trois choses-là, c'est l'égarement. Celui qui s'affilie à un des mazhabs, c'est de l'égarement. Parce que ça ne fait pas partie du haq. En dehors du haq, c'est de dalal. Kama qala subhanahu wa ta'ala. Donc si jamais il n'a pas une de ces trois preuves-là, c'est de la dalal. C'est tout. Fa hada ça rentre dans kazalik. Tamsar al-amr ila anna l'iftiraq fi usul al-din wa furu'i huwa al-ilm wa fiqh fi al-din. Hada c'est batil. Naham. قال بصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون أو متشدد. Il te colle une étiquette directement, comme avec le premier asl. Et ça, c'est min simat ahl al-batil. Lorsqu'ils n'ont pas de réponse, eh ben ils reviennent aux injures, aux insultes. Zindiq, comment fa'alou ma'a Nabi sallam, sha'ir, majnoun, kazzab, ceci et cela, et on en passe. Lorsqu'ils n'avaient pas la possibilité de répondre, ils ont menti, ils l'ont insulté. Kadhalika haula. Et ça, c'est min simati ahli al-bid'ah, comme قال l'imam Ibn Abi Hatim. قال من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. من علامة أهل البدع, parmi les signes d'Ahl al-bid'ah, le fait de dénigrer les gens du Athar, c'est-à-dire ceux qui prennent le kitab, la sunnah. Naham. Fa hadha huwa ya akhi. Appelé au kitab, la sunnah, et à suivre l'ijma'. Enfin, ils ont appelé ça Zindiq. Zindiq, c'est celui qui est. C'est l'hypocrite dont l'hypocrisie allait dévoiler. Comme, مثلاً, Amr ibn Khalid, celui qui a dit Shaitan ma kafar. Ou bien celui qui est. Comment s'appelle l'autre là? Al-Qardawi. Yusuf al-Qardawi, Hada Zindiq, kafir billahi azawajal. Enfin, il s'affile à l'islam malgré que son égarement et son kufr, il est wadih. Ça, c'est le Zindiq. Certains, ils ont dit qu'il n'y a pas de différence entre Zindiq et le Munafiq. Et certains ont dit Zindiq, c'est celui qui s'affilie à l'islam malgré qu'il est sorti de l'islam. On doit se réunir dans la religion et sur la religion. C'est-à-dire dans l'épreuve du kitab la sunnah et l'ijma'. Et on ne doit pas sortir de cela. Inch'Allah, le troisième, on va le laisser et on va le prendre pour un prochain cours, Inch'Allah.